Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101, ceci est l'épisode numéro 8. Je suis votre animateur, mon nom est Guillaume, et pour se joindre à moi cette semaine, c'est une formule spéciale. Non, Renaud ne sera pas avec nous, mais on a deux invités qui vont remplir son siège. Le premier a fait déjà une apparition sur Magic 101, mais dû à des problèmes techniques, finalement son épisode s'est retrouvé dans les catacombes. C'est nul autre que Raphaël Boisvert. Salut Raph. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, on a mis un petit peu de Renault, mais ça va. C'est bon. Et on a un autre invité pour partager l'épisode avec nous. C'est nul autre que Alex Grégoire. Salut Alex. Salut. Ça va? Ça va? Ouais, ça se passe bien. Merci de te joindre à nous. En fait, pourquoi on monte l'épisode comme ça cette semaine? C'est que hier, au Griffon de Sherbrooke, il y avait un pré-PTQ. Et c'était le format standard. Et Alex a gagné le tournoi. Donc, félicitations, Alex. Merci. Donc, tu vas pouvoir aller... Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas tout le temps été facile. Là. C'était grâce à Raph que j'ai pu gagner hier. Ah ouais, dans le fond, c'est ça. C'est que on a un petit combo ici. On a Raph qui avait monté un deck. Et c'est Alex qui l'a joué. Raph, pourquoi tu jouais pas juste de même? Ah, comme d'habitude, le travail de jouer à Magic de temps en temps. Mais c'est pas grave, fait que tu montes des decks puis tu viens en parler. C'est bon ça. OK, donc si on fait un petit topo sur ça, donc la façon qu'on va structurer l'épisode aujourd'hui, on va faire un espèce de topo de standard avec Fate Reforged parce que, donc en fin de semaine, c'était la première fois qu'il y avait des tournois qui était joué avec Fate Reforge légal en standard, et donc on peut déjà voir une nouvelle metagame se former. Donc la façon qu'on va monter l'épisode, c'est qu'Alex va nous parler un peu du deck qu'il jouait en fin de semaine, quel genre de metagame il a rencontré pour son pré-PTQ, et comment son deck a performé dans le fond. Ça a été quoi ses... en anglais ils disent match-up, mais c'était quoi les bons, peut-être les moins bons match-up, même s'il a gagné. Quelle carte de Fate Reforge on trouve qui a fait une belle apparition cette fin de semaine au pré-PTQ. Et ensuite, on va survoler les deux événements qu'il y avait en fin de semaine. Il y avait un Star City Game Open standard, mais aussi il y avait le Super Sunday Series qui avait une portion standard aussi. Donc, ça nous donne vraiment déjà un bon aperçu de la metagame qui est maintenant transformée, qui est maintenant reforgée. Donc déjà, si on commençait avec Alex, comment ça s'est passé? Tu nous dis, tu jouais quel deck dont je pense c'est rouge, vert, aggro? Okay. Ouais, c'est vraiment rouge-vert agressif qu'on pourrait dire. Là. C'est moins monster que dans le temps, genre tu joues pas de Polychronos, tout. Tu joues plus des bonhommes vraiment agressifs qui ont Ace avec des Fanatic of Xenagos, des Stormblood Dragon, puis la nouvelle carte de Fate Reforge qui est le Shaman of the Great Hunt, qui est genre un peu vraiment abusif, là. C'est assez extrême. Là. Ok, dis donc qu'est-ce qu'a fait la carte? Qu'est-ce que la carte fait? C'est un bonhomme pour 4 mana, un rouge 3 colorless, il est 4-2 ace. Quand il attaque, il y a un trigger qui déclenche que quand les créatures font des dégâts au player, toutes les créatures comptent dessus. C'est pas mal ça qui est efficace dans le deck. Sans ça, il y a un autre petit passe-passe que tu peux payer soit 2 rouges ou 2 bleus. C'est pas 2 rouges ou 2 bleus, c'est 2 verts ou 2 bleus. Puis deux colorless pour piger des cartes pour chaque créature qui ont 4 de power. OK. Puis dans le fond, cette petite épice-là au deck... plus ou moins relevant comme habilité. Toi, dans le fond, est-ce que tu t'en es servi un peu ou c'est plus le fait que ce soit du power pour... C'est vraiment le côté power ace qui est vraiment efficace. Sans ça, son habilité est vraiment, vraiment bonne de mettre des plus 1 plus 1 counter sur les... créature qui touche le player, c'est vraiment ça qui... Parce que le gros problème du deck, c'est un deck qui a genre gros du 2 de tasse. Tu vas faire un draw in solo, c'est quand même vraiment difficile d'en venir dans le game. Que lui, quand il attaque, toutes les créatures qui touchent le player, met des plus 150 heures, ça veut dire le plan draw in solo tombe à l'eau pour ton adversaire. Ça, veut dire, ça aide vraiment beaucoup. Puis, c'est un bon body, genre le fait qu'il soit ace... Quand tu fais tour 1 Elvish Mystique dans tour 2 Fanatic of Xenagos, même s'il met 4-4, après ça tu joues un le chaman qui fait que l'autre il est plus dur à bloquer à cause qu'il est trample. Il y a gros du trample dans le deck, il y a gros de l'évasion. Puis des cartes un petit peu moins jouées dans d'autres decks, genre des Crater's Claw, puis des Ashcloud Phoenix qui rentrent, qui fait qu'il y a gros des mêmes qui trigger avec un Ferocious, dont le 2-drop Heir of the Wild, qui est un petit bonhomme 2-2 Death Touch, qui fait que genre les Rhino puis les Sylvan Kratid sont pas tout le temps très très bons contre toi. Les Courseurs sont quand même bons, mais à cause que t'as ça, ils sont jamais des très très bons bloqueurs. Ouais. Ça aide gros à passer du dégât en début de game. Puis la fin de curve, c'est 4 bons dragons qui sont pas mal indestructibles dans le format parce que il faut des cuts ou des downfalls pour les gérer, mais en ce moment, il y a gros des decks comme Abzan qui jouent des Aetherian, des Abzan Charm, puis ils jouent pas tant de cuts, ils jouent 3 ou 4 downfalls, puis il faut qu'ils gardent absolument pour les dragons, puis des fois, c'est pas assez quand tu piges. Quand t'es comme moi, puis tu piges beaucoup de dragons, c'est ben ben bon. Ok, excellent. Fait que dans le fond, Raph, toi, t'en es venu à mettre cette pile-là ensemble. Comment, qu'est-ce qui t'a fait penser à faire ce deck-là? L'idée venait de où? Puis qu'est-ce que t'as ajouté? Puis avec quelle intention? Ouais. Ben, en général, j'ai pris une liste qui existait déjà, qui était Red Green Monster. J'ai essayé de le rendre un petit peu plus agressif avec l'ajout de Shaman of the Great Hunt, qui est une nouvelle carte de Fatal Forge qu'Alex vient de parler. J'ai retiré, dans les anciennes listes, ils jouaient soit des Polycranos, soit des Boons Satyr, des créatures comme ça qui sont très lentes, très faciles à tuer, pas tellement d'impact sur le quand ça rentre en jeu. J'essaie de rendre ça le plus agressif possible. Et en plus de ça, il y a une nouvelle carte que je croyais qu'elle allait être très, très, très, très présente. Et avec les résultats de cette fin de semaine, je crois que j'ai eu un petit peu raison. C'est Valorous Stance. C'est une carte que... C'est un nouveau removal blanc qui coûte blanc et un autre qui détruit une créature de 4 de toughness ou plus. Je me suis dit qu'essayer de trouver une façon de contourner ça, ça allait être probablement une bonne solution pour la fin de semaine. J'essayais de trouver une façon de contourner Valor Stance en n'ayant aucune créature qui était destructible avec Valor Stance. Donc, toutes les créatures, c'est soit des 1 avec des Elvish Mystic, des 2-2 avec des Air, ou complètement des 3 ou des 2 de toughness. Et les seuls qui sont 4, c'est Stambray Dragon, qui est protection du blanc, et deux Sarkans qui sont indestructibles. Donc, aucune créature dans le deck se fait détruire par Valorous Stance, ce qui je trouvais qui était quand même important. Ouais, puis dans le fond, j'en profite pour tout de suite lancer la balle à Alex. Est-ce que Alex, t'as senti que ça te donnait un petit edge, disons? Est-ce que tu as senti que ça t'a donné un avantage sur les autres que Valorous Stance ne pouvait pas atteindre ton deck? Plus ou moins, à cause que dans Metagame à Sherbrooke, il n'y avait pas gros de deck qui jouait Valorous Stance en fin de semaine. Il y avait une grosse Metagame contrôle le samedi, puis un petit peu plus aggro le dimanche, mais le dimanche c'était gros, juste des Abzan aggro, puis ils ont décidé de runner d'autres Rimval que celui-là. Puis ça a peut-être été correct pour eux autres, mais je pense que dans la metagame présentement, le Rimval Valoristan est vraiment bon. Là. Ouais, non, puis je trouve que c'est un bon, c'est une très bonne idée de faire un deck qui joue autour de cette carte-là. Honnêtement, moi, quand j'ai regardé les matchs qui étaient diffusés sur Twitch, les animateurs ont dit à quelques reprises que Valorous Stance c'était une carte très impressionnante dans le week-end, puis que ça avait vraiment, elle s'était démarquée. Là. Donc, c'était une bonne intuition. Puis pour en revenir à ce que tu parlais, là, Guillaume, des bons puis des mauvais match-ups, moi je faisais plus. Je pensais plus passer, prendre la metagame de cours, faire quelque chose que les gens ne s'attendaient pas, être un peu moins prêt. Les gens se mettaient un peu moins vers les Drumming Sorrow by Blight. C'était plus fastidieux, des gros casting costs. me disais que ça allait être quelque chose de raisonnable, de prendre quelque chose de plus agressif. Ok, ouais. Puis Alex, toi, quand tu l'as joué, est-ce que tu sentais que justement, là, tantôt t'en as parlé, tu disais que peut-être que la metagame était un petit peu plus aggro que le samedi, mais qu'il y avait une tangente vers les decks, peut-être quoi, mid-range puis contrôle ou? Le contrôle était peu représenté dimanche, mais comme je disais tantôt, il y avait quand même pas mal plus de deck aggro. Puis je pense que le deck se comporte quand même très très bien contre l'aggro à cause que les Air of the Wild bloquent quand même assez bien le ground. T'as quand même du removal avec deux Lightning Strike puis trois Craters Claw main deck. Les Fanatic of Xenagos, s'ils mettent 4-4 Ace, tu donnes tout le temps une claque plus vite qu'eux autres. Puis le reste des bonhommes, en étant avec les Ashcold Phoenix puis les Stormbreath Dragon, en ayant Flying, font vraiment, vraiment beaucoup de dégâts sans que l'autre puisse vraiment genre compétitionner avec, avec le dommage qu'il fait. Puis si, si c'est une guerre genre de. Il y a lui qui fait ce que le plus fort, souvent tu vas gagner parce que la plupart de tes créatures ont Ace. Ok. Genre le chaman a Ace puis tout. Puis les bons finishers du deck, les Craters Claw, à cause qu'ils trigger tout le temps Finishes, c'est comme ton 1 mana d'investi de base fait tout le temps 2 dégâts. Ça veut dire. C'est facilement genre des fireballs de 6 ou 7 là, pour closer les games. Ça va assez vite, genre. Ok. Puis est-ce que tu as senti, par exemple, qu'il y avait certains decks que s'ils avaient été un peu plus présents, tu aurais un peu plus de misère? Comme par exemple, si je prends, mettons qu'on fait un saut vers ce qui s'est passé au Star City Game Open, dans le top 8, disons, j'ai énuméré un peu les decks qu'il y avait. Il y a un Soul Tide Control que Gerard Fabiano, il a gagné le tournoi avec. Je sais pas si vous avez vu la liste, mais c'est bien intéressant. Tu as un Boros Burn, Abzan Aggro, Abzan Control. Rendu là, je sais pas, contrôle, je suis pas sûr, le plus mid-range, mais bon, qui jouait des Siege Rhino, des Course of Crucifix, puis des Tassigur, mais index, sinon le reste c'était pas mal tout du removal, puis des Planeswalker, puis un autre sur le Tire Control, puis Jeskai Aggro. Est-ce que dans ces decks-là, est-ce que tu as rencontré ce genre de deck-là sur ton chemin, puis c'était quoi tes match-ups? Ben, en fin de compte, en finale, j'ai affronté un Abzan Control, qui. La liste est pas mal semblable avec elle qui se retrouve dans le Open. Puis, c'est pas des match-up faciles, mais avec le side, ça aide quand même vraiment beaucoup. Tu joues des Destructive Revelry pour les courseurs, pour garder vraiment le côté agressif. Mm-hmm. Puis, ça fait un Rimvol qui fait du dégât aux players. C'est comme vraiment bon contre les courseurs. Ouais. Tu joues des Fated Conflagration qui peuvent gérer autant les Planeswalkers que les Rhino pour un investissement quand même moindre, là, le 4 mana. Qu'est-ce qui est plus difficile pour le deck? C'est le 3 rouges. Mm-hmm. Mais en plus, ça, en les faisant dans ton tour, tu peux scrayer 2. Ça aide vraiment contre le paquet de Rimvolt qu'ils peuvent avoir. Puis le gros avantage, même s'ils jouent des Planeswalkers et tout, les dragons, il y a tellement peu de Rimvolt qui les hit dans leur deck. Mm-hmm. C'est quand même vraiment agressif. Puis tu leur fais tout le temps, tu les obliges à se taper hors dans leur tour pour jouer des Rimvolt. Pour garder, s'ils font tout le temps de même, t'as tout le temps un edge de ben, je vais jouer un meilleur bonhomme, puis tu rentres, puis genre. Ouais, ouais. T'as vraiment un avantage contre ces decks-là. Genre, c'est sûr qu'il y a tout le temps des games que tu peux piger un petit peu plus de laine, tout, mais je pense que ça reste quand même un bon match-up. Puis en side, t'as des Planeswalkers et tout que tu rentres, qui fait que tu manques plus ou moins de jus, genre. Ok. Ouais, ça a l'air d'être un. C'est étonnant parce que c'est une liste qui a l'air quand même bien positionnée. Il y a peut-être dans le top 8 du Super Sunday, il y avait Oscar Christensen, je sais pas si vous avez vu sa liste, là, qui ouais. Jouait peut-être un deck similaire, mais qui jouait les Boon Satyr que toi, tu as décidé d'enlever, Raph, dans le fond. Quand tu regardes sa liste, comparativement à ce que toi, tu as construit, je sais pas si tu as la liste devant toi, là, j'avais envoyé le lien. Peut-être aller voir puis me dire... comparativement à toi, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ce que lui a créé? Peut-être les raisons pour lesquelles tu diffères un peu. Notamment, tu parlais du Boon Satyr, tu trouvais que c'était trop lent puis peut-être trop fragile comme créature. Juste pour qu'est-ce que tu m'entends encore bien? Oui, je t'entends encore bien. OK. J'ai quand même été resté étonné de voir une liste Red Green comme ça. Il y a une carte, par exemple, qu'on n'a pas super parlé pense qu'on n'a même pas mentionné dans le dans la description, c'est Yasuba Dragon Cup. Mm-hmm. La 4-2 pour 2 colorless et un vert. Qui fait qu'on peut voler une créature qui a de moins de power que le power de Yasuba. Mm-hmm. Pour 3. Donc, on en avait juste une dans le deck. Je crois de mémoire que dans le Sunday Spur Series, il y en avait deux ou trois. Donc, ça, c'est une autre carte qui fait en sorte que les courseurs sont pas toujours des bons bloqueurs. Mm-hmm. Donc, j'ai quand même été surpris et étonné de voir quand je vois plus qu'un, deux, et qu'il n'y avait pas de chaman, c'est pour les Bones à tir. C'est une bonne carte, mais je trouve qu'il y a tellement de haine pour les enchantements présentement. Mm-hmm. Il perd un peu de valeur là, à, contre certains decks là, qui vont avoir soit des réclamations sages qui vont traîner ou des erase qui vont avoir aussi. Là. Ouais. Puis toi, Alex, de voir, mettons, une liste qui est très similaire à ce que tu as joué, si tu avais le choix de mettre 4 Boons of Tyr ou de remettre les 4 chamans, tu remettrais les 4 chamans demain matin, j'imagine? Ah ou... ouais, absolument. Le fait que ce soit Ace, puis genre le Boons of Tyr remplace. Il pourrait peut-être plus remplacer les fanatiques comme Zonagos, à cause que souvent, c'est plus facile, avec les Elvish Mystiques, c'est facile d'avoir genre 2 verts tour 2. Que l'autre option qu'il y avait comme de possible, c'est la nouvelle carte de Fate Reforge, les Flamewake. Je cherche le nom. Ouais, le Flamewake Phoenix. Mm-hmm. Le gros problème, c'est qu'en faisant Elvish Mystique tour 1 avec une forêt, tour 2 sont comme incastables à cause du 2 rouge dans leur Manacos. Ouais, ouais. Mais dans ça, c'est le deck, c'est ça qu'ils voudraient jouer, plus que les Rabble Master. C'est pour ça que le deck joue des Rabble Master, parce que tour 2 sont possibles avec tour 1 Elvish Mystique. Mm-hmm. Mais sans ça, ça serait des Flamewake. Genre, s'il y aurait un bonhomme pour un rouge qui donnerait du mana comme le Mystique, ça serait des Flamewake. Avec toutes les Ferocious Triggers, ça serait genre des bonhommes intuables dans le deck. Ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis est-ce que tu vois des Rattleclaw? Ben, on jouait 2 Rattleclaw Mystique. Okay. C'est la peut-être la moins efficace du deck. Ça permet des fois de faire des random tour 3 Stormblood Dragon contre des decks qui sont comme pas mal ingérables. Mm-hmm. Mais c'est peut-être la carte la plus, genre, la moins efficace du deck. Okay. Mais ça permet d'accélérer puis d'avoir des fois. Le fait que tu joues des Ashcloud Phoenix et tout, le monde pense souvent que tu vas mettre ton Ashcloud Phoenix puis il passe un burn. Puis ils font ah, j'ai juste pété un Rattleclaw Mystique. Mm-hmm. C'est un petit des choses qui fait qu'on peut les laisser là, mais c'est une des cartes que si dans Dragons of Tarkir il sortirait de quoi, ça serait la carte remplaçable ou on pourrait jouer une Yasuba de plus aussi. Ben, j'étais d'accord avec ce qu'Alex disait. Okay. Les Rattleclaw, c'est vraiment la moins bonne carte de la pile. Mm-hmm. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est quand même nécessaire. C'est vrai que c'est probablement la moins bonne carte, ça meurt assez facilement à d'au moins géant. Mm-hmm. Des fois, ça fait pas grand chose. Okay. Mais personnellement, j'en avais mis 3 dans la liste originale. Okay. Je suis descendu à 2. Ouais. Je pense que c'est encore un mal nécessaire jusqu'à preuve du contraire. Ça permet de, quand on n'a pas d'avoir de mystique, ça permet quand même d'avoir un accélérateur pour soit un Ashcloud Phoenix tour 3 ou un Sombrer Dragon tour 3. Là, ça permet d'être quand même assez explosif. Ouais. Et aussi, des fois, ça va faire 2 dégâts. Là. Ça va gagner un counter avec Shaman of the Greaton, ce qui n'est pas négligeable non plus. Ouais, non, c'est clair. Je suis d'accord que si quelque chose est mieux dans Dragons of Tarkir, pendant la première carte, part. OK. Alright, messieurs, on va passer peut-être à notre deuxième sujet. Donc encore, félicitations Alex. En fait, je ne sais même pas si tu es encore là. Est-ce que tu es toujours avec nous, Alex? Oh oui, je suis toujours là. Alright, super. Donc encore félicitations pour avoir gagné ton pré-PTQ. C'est quand le PTQ en tant que tel que tu penses aller? Est-ce que tu sais déjà? Oui, la date, c'est le 24 avril. Il va être à Montréal. Puis c'est après le prochain Proto Bruxelles. OK. Où que, ben, Philippe a son invitation. Ouais. Puis on va commencer ces 2 semaines après la sortie de Dragon. Ça veut dire, ça va changer le standard. Ça veut dire, c'est sûr que c'est tout le temps bon de continuer à suivre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais ouais. Avec surtout que Dragons of Tarkir va être une grosse série. C'est pas comme dans le temps de Rise of Eldrazi. Ça rajoute encore un 200 que 4. Là. Ouais, ouais. Ça risque de faire ça beaucoup bouger les metagames, ouais. Ouais. Ça va fort intéressant. Là. Ouais. Donc, c'est bon de regarder l'évolution de standard d'ici là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va offrir un peu à nos auditeurs un peu un tour d'horizon des decks qui, en ce moment, se tiennent autour du tiers 1 du nouveau standard. Je pensais de commencer avec ce que j'ai vu à Star City Open parce qu'il on l'a évoqué tantôt, mais Gerard Fabiano a sorti une liste Soul Tide Control que je trouvais qui était vraiment intéressante. Je sais pas si vous avez vu le deck en action, les gars. Moi, j'ai pas vu le deck en action, j'ai juste vu la decklist. OK. Toi, Raph, tu l'as vu le deck. Puis, écoute, au deuxième match, quand Fabiano entre les Tassigur dans sa liste, la synergie qui arrive dans ce deck-là, je trouve que c'est assez impressionnant. Moi, je serais pas étonné que Tassigur deviendrait main deck. En fait, pour nos auditeurs, là, on va mettre les liens vers sur notre page Facebook et notre page web. Donc, c'est vraiment l'espèce de synergie entre Tassigur et Satyr Wayfinder qui donne des options super rapidement. Ça permet de stabiliser le board super vite en début de match. Il joue des cartes quand même marginales comme Rakshasa's Secret, juste pour aller chercher de l'avantage de cartes, mais surtout mettre des cartes dans son graveyard. Et il ferme le match avec des Yugin, The Spirit Dragon. Fabiano adore Ashiok, donc il joue des Ashiok. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de la liste, Raphaël. Est-ce que tu penses que c'est une liste qui a une chance de peut-être se raffiner puis de faire partie du tier 1 pour le reste de Standard d'ici Dragons of Tarkir, ou tu penses que c'est juste parce que c'est Fabiano qui pilote ça comme un champion? Je vais être bien honnête. Je suis un fan du construction de deck de Gérard Fabiano. OK. Comme personne, il a de l'air très, très sympathique, là, mais j'ai jamais vraiment compris dans quel sens il va pour faire sa construction de deck. Mm-hmm. Je pense que ça peut être un... L'archétype du Tide Control, je pense que ça va être quelque chose de très, très puissant dans le standard présent. Mm-hmm. Mais je pas mal sûr qu'il va falloir un peu de peaufinement. Je voulais croire que Rakshasa Secret, ça Wayfinder, ça aide au graveyard. Mais je suis pas convaincu. Peut-être plus que les Wayfinder, je suis peut-être plus convaincu. Là. Mm-hmm. Rakshasa Secret, ton adversaire aussi, il utilise ton graveyard. Je pense pas que ce soit la meilleure option. Mm-hmm. Je pense fait pas non plus office de les clics sur tête, il en joue juste deux. Je pense qu'il pourrait trouver de la place pour quatre. Là. Ouais. Je trouve que le deck, c'est quelque chose qui peut être super puissant. Je pense pas que personne va être plus gros et plus et comme plus destructif que ça, mais je pense que les cartes vraiment à changer, là. Rakshasa Secret, Feed the Clan, en fait, ouais. Mais je pense pas que ce soit nécessaire, là, ces cartes-là sont un peu plus marginales. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, mais je suis pas convaincu que ça va être des joueurs puissants en standard, là. OK. Ensuite, on a un autre archétype qui a l'air quand même d'être quand même bien faite. Il reste aussi, je pense, peut-être des ajustements à faire, mais c'est Boros Burn qui était donc la finale. Je trouve qu'il y avait il y avait moyen qu'il y ait des départs très explosifs avec ce deck-là, mais sauf que c'est le genre de deck qui peut manquer un peu d'essence là, si jamais il est bien contrôlé en début de match. Mais je sais pas si ça, c'est un deck qui joue 4 Rebel Master, 4 Monastery Mentor. Donc on a ici des nouvelles des cartes de Fate Reforged, Monastery Mentor et Soulfire Grandmaster qui est une qui a juste un exemplaire. Mais donc et il y a une carte Collateral Damage, et donc Outpost Siege. Il y a plusieurs cartes de Fate Reforged dans ce deck-là. Est-ce que c'est un deck qui était déjà viable avant Fate Reforged, ou c'est vraiment les cartes de Fate Reforged qui rendent Boros Burn viable à nouveau, ou bien, encore une fois, c'est que des fois, en début de metagame, avoir un deck agressif, c'est toujours gagnant, finalement. Là. Le réponse aggro, c'est le deck qui a commencé à gagner en popularité là, à Denver. On peut se souvenir de Sam Pardy qui a fait la demi-finale, je crois, contre à Denver. Il joue une version un peu plus mid-range là, avec des primages, je crois, des dragons, des phénix. Là, c'était un peu plus mid-range. Ouais. Il y a quand même les Hatching Outburst, les Raise the Alarm, Stock the Flame pour faire du dégât. Ouais. Le joueur, le Danny Goldstein, qui a joué ça, a essayé d'être encore plus agressif avec plus de burn et des plus petits créatures et inclus Valorous Stance là, pour gérer des plus gros, des grosses créatures, des agrinaux, même les courseurs, là, probablement que c'était quelque chose qui était visé avec ça pour pouvoir passer ces dégâts avec le Seeker, Mentor, Abomaster. Je pense que qu'il a essayé de transférer The Sky Ascendancy Token, comme il appelle The Sky Token, finalement. Ouais. Dans le milieu bleu, de mettre les monastères mentors, et d'y aller comme ça. Là. Ouais. C'est ça, moi, je pense que c'est un gros joueur là, pour le reste du standard. Ok. Ouais, Alex. Moi, je pense que c'est une mutation un peu de The Sky Token, comme Raphaël disait. C'est. T'as une mana base plus solide, tu prends moins de dégâts avec la possibilité de laine, puis d'avoir un problème de couleur, puis genre, t'as plus besoin Ascendancy pour l'effet que le Monastery Mentor remplace l'Ascendancy, qui est peut-être plus fragile à cause que c'est un bonhomme, mais peut tomber vraiment plus incontrôlable qu'Ascendancy pouvait faire. Le seul problème que je vois, c'est que en jouant un petit peu moins de tokens, Stoke the Flames est moins jouable dans le deck à cause que tous les tokens que tu mets sont blancs, ça c'est moins facile à convoquer. Il te reste juste le Goblin Marble Master. Les Outburst. Puis les Goblins qui mettent. Ouais. Ouais, il y a les Outburst toujours. C'est sûr que genre ça fait que tous tes tokens prowess que tu mets avec le Monastery Mentor, c'est vraiment genre sont fous, c'est genre ils ont comme des ascendancy sur eux autres là. Ouais, c'est ça. Le fait, ça les untappe. Je te dirais que j'ai un petit peu de misère à comprendre pourquoi ils jouent juste un Soulfire là. Moi, j'ai plus confiance en cette carte-là que Monastery Mentor dans un deck de burn, même si Mentor, je pense qu'il est vraiment bon que par lui-même, il fasse ses tokens, puis que n'importe quel spell rajoute des threats à la table, je pense que c'est vraiment bon là. Ah ouais. Mais je pense que si on voudrait le deck voudrait être vraiment plus agressif puis jouer plus de burn, je pense que c'est avec les Soulfire que le deck peut peut-être tomber un petit peu genre ingérable. À cause du fait que tu peux récupérer tes sorts en milieu puis en fin de match, dans le fond? Ouais, c'est ça qui est comme l'énergie qui manque souvent à ces decks. Ouais. Ok, intéressant ça. Puis pour revenir sur un petit peu deck à Fabiano, j'ai pas eu le temps de le mentionner. Moi, j'ai vu qu'est-ce qu'on a vu gros à Sherbrooke en fin de semaine. Il y a le Tessieur est plus. Je pense qu'il y a le meilleur shell pour lui, c'est dans 6-6 Whip. Ok, ouais. C'est, le fait que, genre, tu peux. Avec les Whip, tu peux. Ça enlève des targets, puis t'as quand même pas mal de delves dans le deck. Puis un autre ajout, c'est pour. Surtout genre dans le format ça stagne souvent. Il y a la nouvelle carte Torrent Elemental qui est genre que tu peux délever, recaster, la mettre en jeu de l'Exile Zone. C'est genre. Je pense que c'est meilleur shell pour abuser de la sécurité. Oh ouais, c'est la carte. Là, je l'ai pas devant moi, là, mais c'est une carte bleue que tu peux jouer quand elle est exilée, c'est ça? Ouais, c'est comme en fin de compte, c'est un équivalent un petit peu de Miss Hollow Griffin de Avacyn Restore, mais un petit, quand même pas mal meilleur, là. Pour un bleu, 4 colorless, c'est un bonhomme 3-5 flying, que quand il attaque, tu tapes toutes les créatures de ton opponent, puis tu peux payer 5, soit 2 split cost noir-vert, puis 3 colorless pour le mettre en jeu tapé, mais tu peux juste le faire en sorcellerie, ce qui stabilise un peu la carte. Parce que dans les decks contrôle, ça serait vraiment trop bon. Ouais, c'est clair. Ah, c'est vrai qu'avec Whip, il y a une belle synergie quand même. Ah, ça, genre, il est exil avec Whip, c'est pas grave, tu peux le remettre en jeu. Tu peux l'élever tout le temps. Genre, c'est une carte qui. Son plein potentiel est vraiment quand il est dans ton grave. Il donne comme un mana pour toutes tes cartes d'elfe. Quand il a Whip back, il tape toutes les créatures de ton opponent quand tu attaques. Avec ta figure, ça est. C'est vraiment, vraiment awesome. Excellent. Alors, on va passer à un autre deck qui existait déjà avant Fate Reforge, mais c'est Abzan Aggro. Et moi, j'étais vraiment étonné de voir la liste qui incluait Tassigur. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de Tassigur dans Abzan Aggro. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Je sais que bon, il n'y a pas beaucoup d'autres cartes qui abusent du graveyard, donc c'est une façon d'aller chercher de rentabiliser le graveyard en pouvant caster une créature qui a un bon corps de 4-5 pour éventuellement juste un noir, mais. Je sais pas, c'est quoi vos idées sur ça, ta figure dans Abzan Aggro? Moi, je te dirais que c'est probablement une de ses meilleures créatures. Ok. Pas nécessairement pour le fait qu'il peut ramener une carte de son graveyard, mais plus parce que une 4-5 de plus dans le deck, c'est comme siège Rhino 5 et 6. Souvent, les créatures de ton deck, comme les Fleecemane Lion, les Rakshasa de Dealer vont, et même les Tatis vont se ramasser au graveyard assez rapidement. Ouais. Ton adversaire va dépenser des By-Blight, des Rose dans le Fall sur tes créatures de Fleecemane Lion, de Dealer, Nafenza, et il va décider de mettre des curseurs. Et pendant un tour, ça va être possible de faire Fleecemane Lion, cette figure de Golden Fang. Ouais. Bonne chance. Je pense Ouais, que c'est j'avoue. plus dans cette optique-là que Hunter Nance a décidé de mettre sa figure. Ouais. L'effet pour 4 de ramener une carte, ça peut très bien fonctionner dans le deck. Plus peut-être avec le sideboard, avec les Planeswalkers, les spells qui sont un peu plus difficiles à gérer. Mais Ouais. plus qu'il s'en sert comme 4-5 pour 2 ou 3 que pour les fils. Ouais, non, c'est intéressant. Mais c'est ça, je me demandais à quel prix. Dans le fond, lui, il a coupé. Je sais pas qu'est-ce que normalement il est plus joué, peut-être quoi, un quatrième Wingmate Rock, un quatrième Courser aussi, peut-être, ou dans le Removal. C'est Mais une la liste majorité, intéressante. Sûr que il dans coupe Abzan les Air of Aggro, the les Wild. Coursers sont OK. vraiment moins bons. Ouais. Donc toi, Genre. Alex, est-ce que tu trouves ta figure dans Abzan Aggro, ça a sa place? Ben, Ça... moi je pense que c'est un solide two-of, là, que pour le late game, ça te rajoute un petit peu de jus, genre si. Le problème, c'est que tout le monde va connaître. Tout le monde déjà connaît le power de ta figure. C'est genre. C'est la carte qui se mange le plus souvent. T'as même pas fini de la poser en jeu, puis il se mange un Rimval, c'est comme Ouais. écrit dans le ciel. Il y a un paratonnerre déjà d'en face en ce moment-là. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Il y a comme. Le C'est un peu monde. étonnant, par exemple, parce que moi, je l'ai pas vu venir, parce que je trouvais que c'était une carte un peu. Je sais pas, là, tu sais, ça coûte quand même 6 pour 4-5. Je sais qu'il y a Delve, mais quand même, il y a d'autres cartes qui ont Delve qui sont excellentes, là. Tu sais, on a Dig Through Time, on a Murderous Cut. Donc, En même temps, juste on une a vu 4-5 pour. en moderne. Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir, ça va être quoi son impact en moderne, vraiment. Ben, moi, j'ai déjà vu, juste en fin de semaine, pendant l'Open, le dimanche, il y a tout le temps des tournois modernes et Legacy. Puis, il y a une liste qui a été sortie en moderne avec déjà des Tassigur. C'est un deck qui était plus ou moins viable dans le temps. Puis même là, je pense que c'est un petit peu fringe comme deck. Là, c'est l'homme à Assault. Puis genre, tu joues Cécile Casso et Life from the Loam. Puis il joue des Tassigur. Je pense que c'est correct à cause de la fonctionnalité de Dredge qui est avec le l'unbannissement de Golgari Griftol, ça fait que des tascures à un mana, c'est assez facile. Ouais. Puis, l'habilité fait que tu peux pas ramener tes lands, mais la carte que tu veux que tout le temps ramener pour pogner tes cartes de sideboard, c'est quand même vraiment bon à cause de Dredge. C'est vrai. Il y a quand même quelques cartes d'elfe qui sont jouables dans ce deck-là. Il joue des Mandrill. C'est pas le meilleur bonhomme, mais ça fait que ça exile gros des cartes de ton grave. Tes cartes de side, ouais. T'as une manière plus efficace de le pogner que c'était une des grosses lacunes du deck. Puis, je pense que s'il y a de quoi qui est vraiment bon dans Fate Reforged, je pense que c'est Tessier. Mais je pense que tout le monde va tellement essayer de le jouer que je pense qu'à un moment donné, il va avoir un problème que le gros problème que j'ai vu en fin de semaine, il y a gros du monde qui time. Puis il y a gros des triggers en ce moment, gros genre du taponnage dans Grave, en prise de décision. Puis okay. J'ai vu des games en fin de semaine, juste avoir, dans 50 minutes, juste jouer une game, puis ça finit en turn, puis ça fait une draw. Ça veut dire même pas réussi à jouer une game dans ton 55, genre 50 minutes et 5 tours. Là. Ok, ouais, fait que c'est hyper lent. Là. Ouais, c'est hyper lent. Là. Okay. C'est pour ça que j'étais quand même content de jouer mon deck, puis j'avais eu le temps de manger. Puis, ouais, c'est ça. Il y a un deck qui continue d'être dans les, disons, tiers 1 et demi, je dirais, c'est Azorius Heroic. Moi, c'est un deck que j'ai essayé, puis que je sais pas, c'est pas mon genre de deck, parce que je trouve que ça dépend tellement de ta main de départ, puis je sais pas, je trouve que ça fait un deck personnellement qui est pas mon genre, mais qui réussit à se maintenir. Dans les decks qui performent bien, est-ce que tu as joué contre des decks Azorius Heroic pendant la fin de semaine ou il n'y en avait pas vraiment? Ouais. Ben, j'ai joué samedi avec. Ok. Pas avec ce deck-là, mais contre ça. Contre White Heroic. C'est, mm-hmm. Je pense, comme tu dis, c'est un deck qui est hyper fragile à ses draps. Parce que dès qu'il commence à piger genre 2 ou 3 laines, c'est comme, ben, il vient de perdre parce que. C'est des bonhommes qui sont 2-2, puis que si t'as pas de spell pour les pomper ou de protection, tu vas perdre la game. Ouais, exactement. Puis, un gros avantage en ce moment, c'est qu'il y a tellement de bons removal dans ce standard-là. Heroes Downfall, Murder Scott, Bile Blight, c'est comme Grand Soho pour les decks contre les decks agressifs. Le noir est comme super trop présent. Ça veut dire, si t'es pas capable de dodger au moins un ou deux de ces removals-là, c'est comme. Ben, je pense que tu as déjà perdu d'avance. Ouais, ouais, c'est ça. Toi, Raph, Azorius à Heroic? Pas un deck qui m'attire particulièrement. Je l'ai essayé quelques fois, j'ai pas été impressionné. Honnêtement, je vois le power du deck. Ouais. Je peux voir qu'il va gagner, il peut faire des top 8, mais je crois pas que c'est un deck qui peut constamment, même si le joueur est super bon, je crois pas que c'est un deck qui va constamment, jour après jour après jour, être au-dessus de tout le monde. Mm-hmm. Il faut quand même une partie de chance dans ce deck-là. J'étais un petit peu surpris de voir aucune carte de Fate Reforged dans la liste. Ouais, moi aussi. Il y avait actuellement 0 carte. J'aurais vraiment cru, avec tout le que j'ai entendu parler là, de que les gens dans ce deck-là allaient jouer 4 Valorous 10 à la place soit des Agony Presence, des choses comme ça. Ouais. Parce que ça l'aide, un, contre les courseurs, les rhinos sont deux des cartes les plus difficiles à passer par-dessus. Et aussi, dans le Mirror Match, bonne chance pour survivre là, quand ton adversaire a 4 valeurs stamp. Ouais. J'ai quand même été surpris qu'il n'y ait pas de ça. J'avais entendu parler aussi de Shuyun, qui est comme le humain bleu dans Fate Reforged. Ouais. Quand on kick a prouesse, quand on casse un spell, on peut payer split cost blanc-rouge, blanc-rouge pour donner une créature double strike. Ouais. J'avais entendu beaucoup de choses sur ça pour ce deck-là. Il n'a pas l'air à l'avoir apprécié. Peut-être que ça coûtait trop cher. Je ne suis pas un gros joueur d'héroïque, mais je suis quand même surpris qu'il n'y ait aucune carte, là, même pas une en sideboard, de de Fate Reform, ouais. Que je peux voir, ça a été quand même raisonnable pour lui. Ouais. Mais ensuite, en fait, je regarde un peu en parallèle Star City et le Super Sunday. Et il y a quelque chose qui me frappe, c'est quand même, c'est que oui, il y a certaines cartes qui sont ultra présentes. Oui, il y a certains archétypes qui reviennent, mais ça reste que c'est une metagame qui est quand même très variée, bien intéressante comme début. Parce que si on regarde du côté du Super Sunday, on a Abzan Aggro aussi, donc ça a l'air d'être un deck qui quand même est présent. Mais de ce côté-là, il y a aussi le deck d'Ascendancy, le combo qui a réussi à saufiler dans le top 8. Je pense que c'est intéressant qu'en standard, on ait un combo qui soit viable et qui ne soit pas trop en train d'oppresser le format. On a ensuite le deck que toi, tu as joué, Alex, qui est le rouge-vert. Comme lui, il l'appelle Monsters, mais c'est entre la ligne entre Monsters et Aggro, je dirais. On a ensuite un autre deck qui continue de bien faire, c'est vert-noir. Donc, Golgari Constellation. Lui non plus qui n'a pas ajouté beaucoup de cartes de Fate Reforged, mais qui est un deck qui est quand même... Quand ça déboule, ce deck-là, là, c'est assez impressionnant. Moi, je trouve que c'est un deck qui fait des matchs épiques. Là. Ça fait des boards qui n'ont pas de sens. Donc ça, c'est intéressant. Puis on a CDC Whip, donc CDC Control ou CDC Whip. Et il y a une liste bien intéressante, c'est rouge-blanc, mais plus mid-range qu'aggro, qui est une belle liste, je trouve, avec des Seeker of the Way, des Brimaz, des Storm Breath. Donc, je sais pas, vous, les gars, où est-ce que vous sentez que Standard s'en va? C'est quoi les decks que vous pensez qui vont rester en haut de la liste? Est-ce qu'il y a des decks qui, pour vous, vont briller? Vers quoi vous pensez que la metagame s'en va en standard en ce moment? Puis c'est quoi si vous aviez à choisir, mettons, deux ou trois decks à jouer dans un tournoi donné, qu'est-ce que vous pensez est bien placé en ce moment dans la metagame? Alex, toi de ton côté? Ouais, moi, je pense que la metagame va quand même rester avec beaucoup de decks qui peuvent percer. Genre, il n'y a pas de metagame figée comme dans le temps de Cobblade ou même genre de Junk Reanimator dans le passé. C'est ça qui... Ça reste qu'il y a des shells de decks qui vont genre comme... Il y a comme des 40 cartes figées un petit peu dans le béton pour comme Abzan, genre Abzan, il y a des cartes. Il y a comme... Genre dans Sultai et tout, il y a des grosses parties de decks qui sont comme figées à cause que les cartes sont comme indispensables, mais il y a des petits decks qui peuvent... Il y a des decks qui m'ont quand même surpris. Là, j'ai vu par hasard sur l'Open, il y avait des red-white héroïques assez surprenants avec une carte de Fate Reforged. J'ai vu des Temur Ascendancy, que le deck est genre mono-vert sauf pour Temur Ascendancy pour que rendre tes cartes sur Ace. Mm-hmm. Puis j'ai des cartes avec le Trigger de Ferocious. Je trouve que il y a quand même gros de la création côté decks, puis je pense que c'est ça un petit peu la clé en ce moment. Que si tu arrives un petit peu par la bande, tu as tout le temps moyen de t'en sortir. C'est surtout l'effet du sideboard, je pense, qui est important. Puis je pense que le format aussi, c'est que tu aimes ça tout le temps land dropper à tous les tours. C'est comme, sauf peut-être d'un deck hyper agressif, mais même là, je pense que tu as un moyen de rentabiliser ton mana avec des spells un petit peu genre Stoke the Flame, puis on taper avec Jeskai Ascendancy. Je pense qu'il y a moyen de dealer avec tout. Le point qui me surprend le plus, il n'y a comme pas de deck vraiment contrôle qui ont apparu avec Crux of Fate et End of Hostility. Là. Il y a comme, je pense qu'il y a la place pour un deck vraiment heavy control. Le plus gros problème, c'est qu'il y a. Les Planeswalkers ont vraiment des. Ils ont des paratonnerres à cause des Heroes Downfall. Il y a des decks assez agressifs pour les gérer que tu peux juste en passer puis rentrer dans le player puis ça fonctionne quand même. Il n'y a pas de alternate kill, genre comme dans le temps d'Instrad avec Nephalia Dranyard, que tu peux te permettre que ton deck n'a pas de kill sauf ça. Ouais. T'as pas un... Je pense que c'est le plus gros défaut en ce moment des decks contrôle. Moi, je te dirais que tu vas encore avoir les mêmes decks, là. Abzan Aggro, Héroïque, Sultai Whip, Abzan Whip, Red White Aggro. Je pense que la carte qui peut faire bouger le plus de choses, c'est Crux of Fate. Je pense que ces decks-là vont être beaucoup plus présents, mais ça va être plus comme une adaptation au format qui va se développer plus que lui qui va faire développer le standard. Qu'est-ce que tu veux plus dire? Plus en réaction à ce qui va être présent. Okay. On va pouvoir avoir des decks plus contrôle. Mais comme je faisais des sideboard plans, qu'on appelle, à des gens que j'avais, à une autre personne à qui j'avais passé un deck, j'essayais de trouver tous les decks en standard et de trouver un plan pour les battre. Mm-hmm. J'avais rendu avec une liste de 16 decks, puis j'avais Fatal Forge n'était même pas encore sorti, là, donc il commence à avoir beaucoup de decks, puis il faut être préparé à voir pas mal n'importe quoi dans le standard. On ne peut pas s'attendre à toujours voir le même deck. On est loin de la metagame de mono noir là, de Terros, là, qui était juste. Ouais, loin de mono noir comme mono bleu. Là. Ouais. C'est extrêmement varié sur un tournoi. Et on parle souvent là, de tournoi régional, là, mais si on prend un petit peu plus grand là, comme PTQ, ce qui est Alex Valley, ce ne sera pas des 5-6 rondes, ça va être un 9 rondes. Ben, peut-être que sur 9 rondes, il va voir le même deck deux fois. Là. Ouais. Il faut être prêt à toute éventualité possible. C'est presque rendu au niveau de Modern et Legacy, là, le nombre de decks qui sont jouables. Oui, Alex? Je vais juste ajouter de quoi? Pour le PTQ du 24 avril que je vais participer, ça ne sera pas si gros tournoi que ça, parce que le Canada est en trois sections pour les régionales. J'ai l'impression que ça va quand même des tournois assez avec un minimum de personnes. Genre, j'ai l'impression que ça ne sera pas des 9 rondes. Ça va quand même rester un tournoi, je pense, soit allégé à 6 ou 7 rondes maximum. Qu'est-ce qui est vraiment crève-cœur, même si tu fais top 8, c'est juste le top 4 qui a une invitation pour le pro tour dans ce format actuel-là. Mm-hmm. Ça reste que quand tu fais top 8, il y a une ronde crève-cœur qui fait vraiment mal. Vraiment, hein? Ça va être assez intense. Mais il y a quelque chose auquel j'ai pensé, Raph, pendant que tu parlais, c'est le fait que, tu sais, tu disais justement, la metagame est tellement variée. Puis Alex, tu disais, tu sais, il y aurait peut-être de la place pour un bon deck contrôle, mais ce qui fait qu'un deck contrôle fonctionne bien, c'est que c'est quand le metagame est stable puis réussit à enligner un 75 cartes qui est excellent contre la metagame. C'est pour ça que je pense qu'en ce moment, les decks aggro vont réussir à bien faire, parce que puisque la metagame est comme un peu instable, un deck aggro, c'est un deck aggro, il va tout le temps faire qu'est-ce qu'il a à faire. Il n'y a pas besoin de savoir vraiment ce que son adversaire fait. Lui, son plan de match, c'est de terminer le match le plus rapidement possible. Tandis qu'un deck contrôle a besoin de connaître un peu c'est quoi ses adversaires. C'est peut-être pour ça que les decks contrôle ont de la difficulté à s'établir en ce moment. C'est le fait que la metagame est tellement variée. Je ne sais pas, c'est-tu une hypothèse qui a de l'allure ou... Oui, mais comme je disais un petit peu tantôt, je pense que le gros problème, c'est que la win condition dans les decks contrôle en ce moment, c'est soit les planeswalkers ou des bonhommes qui sont pas indestructibles ou de quoi, même si Slumgar est vraiment bon ou le Pearl Lake Ancient est bon. Ça reste que si tu prends ton temps, c'est des bonhommes qui vont être capables d'être tuables. Puis même si des crew times c'est bon, à un moment donné, c'est que Harry, c'est qu'est-ce qui reste à la fin, c'est des lands. Il va manquer de jeu, puis il n'y a pas de spell infaillible pour dire, ben, pour le deck contrôle aussi, de dire, ben, garde, t'es locké, genre, c'est vraiment sketchy. Moi, je l'ai joué samedi, j'ai joué U-Black Control samedi. Il y a gros des games que, genre, à un moment donné, t'as le edge, mais tu peux même pas dire que, ah, ok, là, je vais gagner. La Wincon est à chier. Ouais. Je pense que c'est le plus gros problème des decks contrôle en ce moment. Raph, une petite idée sur ça, sur le fait que les decks contrôle ont peut-être de la misère à vraiment s'établir? Ouais, ben j'ai joué contrôle pas mal longtemps. Avec l'Elixir of Immortality et Sphinx Révélation. Même si on n'avait pas de win condition, des fois on gagnait avec souvent avec Elspeth, Sun Champion. Mais de temps en temps, je m'amusais à les enlever si je trouvais qu'ils allaient probablement se faire détruire par des roses dans le fond. Je laissais complètement juste Elixir Immortalité, Sphinx Révélation dans mon deck. Puis à un moment donné, mon adversaire se rendait compte que il n'allait jamais pouvoir me tuer parce que je faisais soin d'isolation pour 30 à tous les tours. Il voyait qu'il n'allait pas gagner, même si j'allais pas le tuer. Un jour, il n'allait plus entendre dans son deck. Je pense que c'est dans cette optique-là aussi que les decks contrôle, ils ont beaucoup de misère présentement, qui sont appelés des decks contrôle comme Sultai contrôle, mais qui sont en fait plus des decks mid-range contrôle, qui ont beaucoup plus de removal, mais qui vont tuer avec quand même plusieurs sources de dégâts ou de planeswalkers qui vont réussir à s'en sortir. Mais je pense que c'est vraiment plus dans l'optique qu'il n'y a aucune façon de s'assurer de gagner nos matchs toujours de la même façon. Mm-hmm. Toujours essayer de trouver une autre façon pour gagner à chaque match. Des fois, nos adversaires vont avoir des réponses pour toutes nos façons de gagner. Puis c'est là que le deck fait rien. Il attend de mourir. Ouais. Puis admettons là que demain il y a un autre tournoi, un autre pré-PTQ, ce serait quoi votre choix de deck en ce moment? Est-ce que Alex, tu retournerais avec exactement la même pile ou tu essaierais peut-être autre chose ou t'importerais des modifications? Vous, en ce moment, quel deck vous pensez qui est le mieux positionné s'il y avait un tournoi demain matin? Là? Ouais, moi, j'aurais pas de misère à tourner avec le même deck. Les seuls changements que je ferais, il y avait des Barrage of Boulder en side qui m'ont pas été utiles. Puis il y aurait peut-être quelques changements dans le sideboard, mais sans ça, je jouerais pas mal peut-être le même 60. Le seul changement que je ferais, c'est peut-être enlever les deux rares de mystique pour peut-être un Lightning Strike de plus, puis peut-être un autre carte peut-être plus spéciale, là, genre, je sais pas, des fois, genre, peut-être jouer deux Flame Wake, même s'il arrive plus tard dans le game, ça pourrait être jouable dans le deck, à cause qu'ils sont pas mal immortels. Ça serait peut-être des possibilités. Ok. Puis toi, Raph, si tu travaillais pas, puis que tu fais jouer le prochain tournoi, qu'est-ce que tu jouerais? comme je disais à Alex samedi soir, avant que je lui laisse le deck, jouer un tournoi présentement, je jouerais clairement Red Green pour les premières semaines en fait de standard. Okay. Je pense que c'est un deck qui va surprendre tout le monde, personne ne s'attend à ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être assez stable pour faire des pré-PTQ. Comme il disait, on ferait des changements dans le sideboard, là, quelque chose de mineur juste pour s'adapter un petit peu, puis avec l'expérience. Il faut dire quand même que j'ai pas passé des heures et des heures et des heures à préparer le deck. Là. J'ai fait comme on dit sur le coin de table. Mm-hmm. Et les changements là, Barge of Boulders, des choses comme ça, Rattok, le Mystique, ils peuvent être changés. Mais en gros, là, j'irais quasiment avec 72 et 75 mêmes cartes. Puis je me lancerai là-dedans, là, cette première. Je ne pense pas avoir peur de ce qui se passe présentement. Là. Super. Ben écoutez, messieurs, je pense que ça fait un bon tour de où est-ce que Standard est en ce moment. On va voir, c'est sûr, les choses vont évoluer. Il y a des cartes qui vont évidemment prendre du galon, puis il y en a d'autres, c'est toujours comme ça, qui vont être laissées de côté. J'ai bien hâte de voir où est-ce que tout ça va s'en aller. Mais d'ici là, je vais vous souhaiter, Alex, bonne chance pour ton PTQ. Est-ce que tu vas faire d'autres tournois d'ici là, ou vu que t'es qualifié, il n'y a plus vraiment d'autres tournois que tu peux faire d'ici le PTQ? Et quand on gagne un PPTQ, ça fait qu'on est bloqué pour faire d'autres PPTQ pour rester la chance de gagner. Puis les PPTQ sont pas mal en voie d'extinction. Il en reste un la semaine prochaine, pas en semaine, mais l'autre d'après, à Ottawa. Okay. Puis c'est pas mal. C'est le dernier qui reste, comme des environs. Je vais peut-être aller tenter ma chance pour peut-être aller accompagner Phil à Bruxelles, mais sans ça, c'est pas mal. Pas mal juste ce qui reste, sans ça, c'est des tournois qui sont pas organisés par Wizard, là, c'est des shops qu'il faut qu'ils organisent. C'est un petit peu le côté qui est difficile de playtester. Faut jouer un petit peu ça online, faut avoir des bons collègues pour jouer à Magic. Ouais, puis toi, Raph, qu'est-ce que. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ouais, ben, je pense que c'est ça qui est important, là, pour. Genre, si on veut jouer à plus haut level dans le jeu. Je pense qu'il faut avoir un bon groupe. Même s'il y a du monde qui joue pas comme Raphaël en ce moment à cause de l'emploi. Puis genre, moi aussi, je vis comme un retour un peu à la magie, là. J'avais pas le choix pendant un petit peu 6 mois à cause que je travaillais en restauration, puis c'est un petit peu plus compliqué d'avoir les fins de semaine. Mais c'est un noyau de joueurs qui se tient au courant, qui s'aide. Puis je pense que c'est bon pour le milieu, puis c'est bon pour genre avancer puis progresser dans Metagame, puis ouais. Avoir des bons decks, puis faire des bons choix. Là. Fait que t'as fait un retour en force, finalement. Ouais. C'est excellent, ben, ça. J'ai eu des bons professeurs. Ouais. C'est clair. Puis toi, Raph, y a-t-il des choses qui t'attendent quand même? Est-ce que tu sais, avec ton horaire, si tu vas pouvoir faire peut-être quelques pré-PTQ, ou bien ça va pas mal tout le temps tomber, que ça va être impossible pour toi d'y aller? Ben, je vais essayer de m'arranger, d'en faire au moins un ou deux, je pense. À ce que j'ai pu comprendre, il y en a un à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, pour la deuxième fin de semaine ou troisième fin de semaine de février. Okay. Je vais essayer de me déplacer pour aller là-bas. Sinon, là, ça va aller semaine par semaine. Là. On va voir si je suis capable de m'arranger pour en faire quelques-uns. C'est sûr que j'aimerais ça. Pouvoir gagner le premier que je fais comme ça, que je pourrais ne pas avoir à me faire remplacer toutes les fins de semaine. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quelque chose de bien plaisant, mais non, je pense que même si je participe pas physiquement au tournoi, juste le fait d'avoir là, des retours, des feedbacks là, des gens, comme Philippe, on a travaillé sur le deck avec lequel il a gagné son pré-PTQ et son PTQ qui était comme 74 ou 75 24, je crois. Ouais. On a travaillé ensemble pendant plusieurs matchs, plusieurs rondes, plusieurs jours, à trouver la bonne liste pour le tournoi. Alex qui vient de gagner son pré-PTQ, c'est une idée que j'avais lancée comme ça, puis ça a l'air d'avoir fait du sens. Juste avoir comme des feedbacks comme ça, je trouve que je pense que je suis capable de rester un peu dans le milieu, puis de pouvoir au moins donner des idées pour les joueurs qui peuvent eux se déplacer physiquement au tournoi. Ouais. Si ça peut les aider puis leur donner une chance, ben je pense qu'à la limite, je peux quasiment me contenter de ça, puis je vais être très, très content. Puis je continue à jouer localement là, quand j'ai le temps d'y aller. Là. Ouais. Tu vas être le Sam Black ou le Patrick Chapin de Sherbrooke. Ouais, je vais faire le prochain livre. Je suis en contact avec Patrick Chapin. C'est bon. Le prochain livre. Deck Building 101. Bon, mais messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est clair que la porte est ouverte pour vous de revenir à un autre épisode de Magic 101. Je vous remercie d'avoir pris le temps de parler de Standard avec moi, puis on va se revoir une prochaine fois. Fait que je vous dis une bonne soirée, puis à tous nos auditeurs, salut, puis à la semaine prochaine.